Biggie Kamal. Je fais la loi, je fais la loi. Le 30 janvier, Maya l'équipe n'a à Blatar. Je fais la loi, je fais la loi, je fais la loi. Le 30 janvier, Maya l'équipe n'a à Blatar.